Chapitre deuxième. Or, il y avait une fête ce matin-là à Piloël. Le pilote Mathias avait pris solennellement sa retraite. Il avait dit adieu à la flottille qu'il commandait. Ses anciens compagnons, pour lui faire honneur et en reconnaissance des services rendus, avaient organisé maintes réjouissances nationales. Dès l'aube, on lui était venu jouer du tambour et tirer des coups de feu sous sa croisée. Puis les fillettes lui avaient apporté un gros bouquet que lui avait remis Jeanne, ce qui avait fait rougir d'aise, comme une pivoine, la face du vieux matelot. Enfin, on avait bu à sa santé le meilleur cidre, mis tout exprès en cruchon depuis plusieurs mois, et les bouchons avaient sauté, des panaches d'écume montant au goulot et descendant majestueux dans les verres vite remplis. On avait ensuite chanté à la gloire du pilote. Loïc n'avait pas été des moins empressés auprès de lui. Il avait pour Mathias une admiration enfantine mêlée d'une confiante sympathie. Combien de fois n'avait-il pas été tout près de lui confier sa tendresse pour Jeanne et de lui demander un conseil? Avouez qu'il aurait bien choisi son confident. Mais pouvait-il supposer un instant que le vénérable Mathias... À 20 ans, on trouve que les gens de 50 sont de véritables Mathusalem. Ah, comme j'ai changé d'avis à ce sujet, après avoir été comme tout le monde. Comme il convient, la note comique fut donnée dans cette touchante cérémonie. Ce fut la tante Mathurine qui s'en chargea, en offrant à Mathias une paire de pantoufles brodées par elle, un véritable jardin de tapisserie avec des roses qui ressemblaient à des choux et des oiseaux qui ressemblaient à des hannetons. C'est que Dame Mathurine avait servi à la ville et y avait appris les arts d'agrément. Le vieux matelot, qui n'avait jamais chaussé que des sabots, eut une formidable envie de rire. « Si ça ne vous fait rien, la Mathurine, lui dit-il avec une reconnaissance goguenarde dans la voix, je les porterai aux mains en hiver pour faire le pharaon à la grand-messe. » Et il lui avait collé sur les joues deux baisers si ronds que la Mathurine en eut les dents ébranlées et claquantes pendant un instant comme des castagnettes. Tout le monde avait pris le congé du matin pour cette réjouissance qu'avait terminé un bon repas, suivi d'un rigodon que Dame Mathurine avait accompagné sur la guitare, une vieille guitare que ses anciens patrons lui avaient donnée et qui distillait, sous ses maigres doigts, de petites notes de vinaigre tombant goutte à goutte dans l'oreille qui s'en recroquevillait de douleur. Mais on n'était pas raffiné en musique à Piloël, et ce miaulement de chanterelle sembla le plus charmant du monde, brodant sur les grognements d'un biniou dont un gars jouait naturellement sans avoir jamais appris. Tout cela avait poussé le temps par un chemin joyeux jusqu'à 1 heure de l'après-midi, et il s'en allait vraiment du moment de se mettre en mer pour le coup de pêche qui devait réparer les premières paresses de la journée. On était en septembre, et les premières heures du jour avaient été particulièrement radieuses. Le soleil s'est élevé sur l'océan dans une buée vite consommée par ses rayons et s'était envolé, comme les dernières fumées d'un incendie, dans une clarté rose. L'azur intense du zénith descendait en pâlissant jusqu'à l'horizon où se confondait le bleu de la mer avec celui du ciel comme dans un long baiser, ligne insensible entre la réalité et le rêve, entre le pays des étoiles et le pays des tempêtes. Et sur les vagues caressantes qui semblaient venir déposer sur la grève et sous les pas d'un triomphateur mystérieux ses longues palmes d'argent, les alcyons penchaient leurs ailes longues, circonflexes et blanches, mettant comme une fleur d'écume au sommet du flot en l'effleurant. L'air était tiède, trop chaud peut-être pour la saison, à peine salé, mais chargé de parfums vivifiants, le souffle nourricier de la bête immense qui respire le long de la terre et la réchauffe des battements de son cœur. À voir les quelques petits nuages de cuivre que l'aurore avait rapidement chassés devant elle. Les malins avaient bien dit que la journée ne se passerait pas sans orage, mais cette menace semblait être rentrée derrière les rideaux étincelants du firmament tout en fête, et la gaieté de la fête donnée à Mathias l'avait chassée de tous les esprits. Très joyeusement donc, on déliait les voiles le long des mâts pavoisés pour la circonstance, quand un souffle inattendu et un peu rude les souffleta à peine déployés, cependant qu'une vapeur violette s'élevait à l'horizon, se précisant bientôt en une longue lame d'ardoise, frangée de rouge et s'élargissant oblique comme un couteau sombre dont l'azur du ciel serait coupé. « Il y aura tempête tout à l'heure, » fit Mathias. « Enfant, prenez garde à vous. « Hein ? Comme vous avez bien fait de quitter le métier, mon bon Mathias ?» lui coula doucement à l'oreille la tante Mathurine. Jeanne, elle, regardait tristement Loïc ajustant de son mieux, le long du bois déchiqueté, la toile grossière et trouée par places, qu'elle emportait comme une aile blessée. Le gars aussi avait une grande mélancolie dans l'âme. Quand il avait voulu faire danser Jeanne, la vieille Mathurine lui avait fait, à travers ses diaboliques lunettes, une telle verdure qu'il n'avait pas osé inviter la jeune fille. À table, déjà, on les avait mis le plus loin possible l'un de l'autre. Aussi, ce qui avait été pour tous une réjouissance n'avait été pour lui qu'un supplice. Jamais il ne s'était senti si complètement désespéré. Aussi, quand, en passant auprès de lui, durant que sa tante était rentrée chercher sa tabatière pour offrir à Mathias une prise camphrée, Jeanne avait enfin pu lui dire « Ne pars pas, mon Loïc, je t'en supplie. » Il n'avait trouvé que cela à lui répondre « Ah, laisse-moi, je voudrais mourir. »